Alors, t'as qu'à trouver dans ma truelle, t'as qu'à trouver dans ta truelle. Oh non, ben c'est sale, ça c'est pas propre. Bon, écoute-la toi-même, hein. Moi j'y touche pas. D'ailleurs maintenant j'ai compris tout le truc, j'ai compris toute la chanson. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission de Radio Guimauzo, la dose, oui. Alors on va faire un tour de table pour se présenter. Qui est en technique? Oui, tu es avec qui Camille? Avec Marc. Marc, et il y a un monsieur aussi là. Qui est ce monsieur? Me demande lui. Camille, ne me regarde pas moi. Je m'appelle Arnaud. Islam, comme tu veux, tu me présentes comme tu veux. Arnaud. Ok, d'accord, Arnaud. Et ensuite Christopher. Et ensuite Christelle Labrousse. Timothée. Ah, Corinne. Juliana. Bonjour, je m'appelle Sival. Bonjour, je m'appelle Nathan. Alors, qui est Madame Labrousse? La chef de service, l'ancienne chef de service. On va peut-être la laisser parler, Juliana. Hein, ce serait bien. Ils me connaissent bien. Donc j'étais chef de service avant à l'IME avec vous, et maintenant je suis depuis janvier chef de service des services de soins à domicile de la DAPI. Donc pour les enfants et pour les adultes. Voilà, donc nous avons attendu toute l'année hein, pour c'est que ça. Christelle puisse venir avec nous. Et pour la dernière émission de la saison, elle est là aujourd'hui. Hein. Alors, la dernière fois, il y avait eu une chanson mystère. Hein. On commence toujours par ça. Oui. C'était qui? Maître Gims. Ah non. C'était la sœur à Timothée. Qui l'avait choisie, Maya. C'était qui? Renan Luce. Oui, et le titre, tu te rappelles, Timothée? On n'est pas une bêtise près. On n'est pas une bêtise près. Voilà, c'était ça. Et personne n'a appelé, apparemment. Donc aujourd'hui, c'est Madame Labrousse qui l'a choisi. Donc on ne dit rien. Et on va demander à Marc, Camille, Arnaud s'ils sont prêts à passer la chanson mystère. Sinon, on décale un peu. Malheureusement, non, parce qu'on ne l'a pas trouvée. Elle est sur la clé USB. Oui, mais on n'est pas prêt. Ah, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, donc, comme vous avez préparé des questions hein, pour Madame Labrousse, on va commencer en attendant qu'il trouve la chanson. Corinne. Alors, surtout, on s'écoute. Hein. C'est qui commence? Allez, Christopher, vas-y, ta première question. Est-ce que vous fumez? Non, je ne fume pas. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Alors, ça m'arrive de boire l'apéro et je boirai peut-être une coupe de champagne si on gagne la Coupe du Monde. Mais voilà, ça reste raisonnable. Est-ce que vous allez faire des crêpes? Oui, mais alors j'ai des personnes qui savent très bien faire les crêpes à la maison, alors je les laisse faire. Okay. Moi, je prends juste le temps de les déguster. Est-ce que vous aimez bien prendre en photo? Non, pas du tout. J'aime bien prendre les autres en photo et les gens que j'aime bien, mais moi, j'aime pas du tout être sur les photos et me prendre en photo. Ok. Bon. Est-ce que vous buvez du coca? Non, je n'aime pas le coca. Ok. Ça y est, alors là, tu as sorti toutes tes questions d'un coup. C'est pour être tranquille, Christopher. Hein? Comme ça, c'est fait. Est-ce que c'est ça, Christopher? Non. Ou est-ce que tu avais peur de les oublier? Non. Non. Bon. Tiens, Timothée a une question. Avez-vous un animal de compagnie? Alors moi, j'aime beaucoup les animaux et j'en ai plusieurs. Donc j'ai un cheval, une jument qui est dans un centre équestre, voilà, qui va partir bientôt en concours et qui viendra cet été un peu pour brouter de l'herbe. J'ai un lapin nain, j'ai un chat et j'ai deux chinchillas. Donc un lapin nain qui est à cette heure-ci en train de se promener dans mon jardin, parce qu'il reste jamais enfermé. Vous ne demandez pas c'est quoi un chinchilla, vous savez c'est ce que c'est ? C'est quoi un chinchilla ? Oui. Un chinchilla, c'est un petit rongeur, un petit animal rongeur. Alors moi, quand je le décris, je dis toujours il a une tête de souris, il a des pattes de lapin, il a une queue d'écureuil. Donc c'est des petits animaux avec un poil tout doux, donc c'est vraiment rigolo. Combien ça vit la nuit. J'ai un chat qui s'appelle Haribo. Un gros poil avec Haribo, c'est pour la vie, pour les gens et les petits. Donc les chinchillas, ils vivent la nuit. Et ils se lavent en se roulant dans ce qu'on appelle la terre à bain. Donc c'est un genre de sable. Ouais. Non, pas de la boue. Pourquoi la terre à bain. L'herbe. Ils ne vont pas dans l'eau. Alors, les ramener un jour. Alors c'est compliqué à les ramener parce qu'ils vivent la nuit et puis parce que ça saute. Ils sautent partout. Il faudrait que vous alliez regarder sur Internet à quoi ça ressemble. Ok, on fera ça de Corinne. Et vous n'avez pas demandé à Madame Labrousse, elle a un cheval, mais est-ce qu'elle monte dessus ? Tu montes dessus ? Oui, je monte dessus. Mais ça va le coup. Est-ce que tu fais du galop ? Oui, je fais du galop. Est-ce qu'elle saute ? Oui, elle saute. Alors cette année, elle va faire le championnat de France. Attends, avec une, approche-toi de ton micro. Une petite demoiselle voilà, du club avec qui elle s'entend très bien. Donc oui, elles vont faire du concours complet. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve où ils vont faire du dressage, une épreuve où ils vont faire du saut d'obstacle et une épreuve qui se passe dans la nature où ils sautent des trous, où ils sautent des troncs, voilà, ils sautent plein de choses. Est-ce qu'elle se met debout devant toi ? Non, elle est sage. Elle est très sage. Est-ce qu'elle s'est déjà blessée en sautant ? Alors qui s'est blessé ? Moi ? Attends, cheval. Alors mon cheval, non. Par contre, moi, je suis déjà tombée une paire de fois sur mes fesses. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Elle est trop vite et hop, je la suivais pas. Du coup, pof, je tombais par terre. Moi, je la trouvais pas. Allez, à qui ? Vas-y, Juliana. Parle bien dans le micro, Juliana. Avez-vous un fiancé ? Oui, j'ai un fiancé, oui. Est-il gentil ? Ah bah oui. Vaut mieux, non ? Sinon, j'aurais préparé ses valises. Hein. Avez-vous des enfants ? Alors moi, j'ai un grand garçon de 22 ans. 22 ans ? Oui, un grand garçon. Bienvenue dans le ventre. Avez-vous des frères et sœurs ? J'ai un demi-frère et j'ai deux petits frères. Quel âge avez-vous ? Faut que je le dise. Vous pouvez dire Joker, non, Costel. Ça ira. J'ai 42 ans. J'ai eu 42 ans au mois de janvier. Où travaillez-vous ? Alors, je travaille à la DPI. Donc, je suis maintenant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur les services de soins à domicile. C'est quoi les services de soins à domicile ? C'est Iguiri. Je m'occupe des pépères et des mémés. Voilà, c'est bien de le dire. Non, pas. Donc, en fait, j'accompagne des éducateurs. Hein. On échange en réunion, on parle des enfants qu'ils accompagnent. Donc, c'est des enfants qui sont encore scolarisés, qui ne sont pas dans des IME comme vous, mais qui, voilà, ils peuvent après venir en IME. Et les éducateurs travaillent avec eux dans leur famille, travaillent avec eux à l'école pour les aider dans leurs difficultés, pour qu'ils arrivent au mieux à s'adapter à l'école. Et on travaille également avec les adultes. Donc, les adultes, ce sont des adultes qui vivent chez leurs parents ou en appartement, donc pas dans des foyers, ou alors... après, et qu'il faut accompagner pour faire des démarches, par exemple, pour écrire des papiers, parce qu'ils ne savent pas trop écrire, pour prendre des rendez-vous chez des médecins, pour trouver des appartements ou du travail. Voilà, c'est ce qu'on appelle les services de soins à domicile. Mais je pense que pour tous, avant d'arriver à l'IME, vous avez tous été suivis par le CESAD. Oui, qui a un souvenir ? Juliana ? Pas tout le monde. Timothée ? Moi, j'ai un souvenir. Jackie, oui. Ouais, j'étais pas et toi, c'était qui ? Comment Jackie Michel ? L'éducatrice qui te suivait. Je crois que c'était Françoise. C'est ça. Framboise, hein. Quand tu la rencontres, c'est Framboise. Framboise. Nathan aussi, tu as été suivi par le CESAD. Pas moi. Mais Camille, tu as été suivi par le CESAD ? Françoise. Françoise. Mmh. Et Françoise. Aussi. Et Steven, non ? Non. Ok. Bon, ensuite. C'est pas certain de nous. Vas-y, Juliana. Aimez-vous le foot ? Alors oui, et puis alors j'ai regardé pendant très très longtemps le foot quand j'étais plus jeune, et puis ça m'est un petit peu passé. Et en fait, le fils de mon compagnon est un fan de foot, du coup j'étais obligée de regarder de nouveau avec lui. Et en période de Coupe du Monde, surtout quand on gagne, on a envie de regarder du foot. Quelle est votre équipe préférée ? Alors moi, j'ai toujours eu un petit fait pour l'Olympique de Marseille. Mon cœur a toujours été marseillais, comme on dit. Ah bah désolé pour les Parisiens, hein, c'est comme ça. Quoi, t'aimes bien les Marseillais, toi ? Oui, moi j'aime bien Marseille, depuis très très longtemps. Avez-vous aimé travailler à l'IME ? Alors j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler à l'IME et j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler avec vous et vous voir tous les matins, me dire bonjour devant mon bureau. Donc voilà, quand je suis partie, c'est ça qui me manquait le plus. C'est un choc. Mais voilà, je viens quand même de temps en temps et c'est vrai que je prends plaisir à venir vous saluer à chaque fois. C'est gentil, hein ? Oui. Pourquoi tu portes ? C'est mignon, même. Comment ? Quand tu portes, pourquoi tu fermes l'IME ? Alors, maintenant, j'ai plus les clés de l'IME. Mais c'était surtout pour qu'on vienne pas voler les choses à l'intérieur. Bah ça aurait été dommage que vous arriviez un matin et que vous ayez plus de crayons pour travailler. Surtout ça là pour l'argent. Oui, et puis on ferme. Voilà. C'est des établissements avec plein de choses à l'intérieur, donc il faut qu'on ferme les portes. Quand tu pars de chez toi, tu fermes pas la porte à clé ? Non, pas moi. Ou ta maman, peut-être ? Moi, j'ai la souhait. Bah, grand ouvert, tout le monde rentre ? Ah non. La directrice, tu mets quoi ? Tu mets quelque chose à l'IME ? Un cadenas. Non, un truc dans la pub, tu vois, on va dans la pub, des petits machins là, au pas les voleurs, ils viennent. Les systèmes d'alarme ? Oui. Alors, il y en a un, des systèmes d'alarme. Les systèmes d'alarme, tu poses un truc dedans, un truc blanc. Ouais. Et si ça approche du côté, il y a un truc qui sonne. Ah. Et la police, ils dirigent qui a venu à l'IME, ils viennent tout de suite, la police, comme mais ça. Mais t'es drôlement au courant. Bah, si, ça, dans la pub, ils mettent des trucs, quand un cambrioleur, ça sonne. Et ça s'allume rouge. On va peut-être faire une petite démarche vers la technique, voir s'ils ont retrouvé, ah merci Marc, Arnaud, Camille, la chanson Mystère pour l'écouter. Et si les auditeurs veulent nous appeler, 03 29 62 40 40. Merci, on écoute. Et ça compte. J'étais fait pour planter des fleurs dans un jardin. Certains soirs, il me semble entendre dans le cockpit comme une voix d'enfant entre les parasites. Un enfant qui dit s'il vous plaît, monsieur, dessine-moi la paix. Donc c'était la chanson mystère. On verra bien si quelqu'un va appeler durant l'heure, cette petite heure qui reste. Alors on va reprendre les questions pour Madame Labrousse. Alors Nathan, oui. Alors ton nouvel. Tu parles dans le micro, Nathan. Ton nouveau métier est liant. Est liant. Est lent, je sais pas. Ton nouveau métier est long. Est long. Qu'est-ce qu'il voulait, a voulu dire, à votre avis? Ton nouveau métier est long, lent. Attends, c'est pas long. Dire. Je dirais long. Est-ce que tu bien ton nouveau métier, je crois, il veut dire. Est-ce que t'aimes bien? C'est ça que t'as écrit? Oui. Regarde ta feuille, non, Nathan. Ton métier est long. Est long. Oui. Et bien. Est ton long, nouveau métier est... est-il bien? Est-il voilà. Bien. Alors, c'est pas un nouveau métier parce que j'ai le même poste et les mêmes fonctions que quand j'étais à l'IME, mais c'est un nouveau service. Donc. Alors oui, c'est très, très intéressant. Je voyage un petit peu sur toutes les Vosges, c'est très, très intéressant. J'ai moins de contact avec les enfants qu'à l'IME et c'est ce qui me manque. Mais c'est très intéressant de travailler avec les différentes équipes que je vois régulièrement. Alors, pour rappel, Nathan, pour rappel, j'avais essayé, je vous avais dit qu'il faudrait essayer de vous voyer, Madame Labrousse. Tu C'est un adulte. Tu ou vous? Alors, est-ce que tu, c'est vous voyez? Non. Non. C'est vous. Alors, essayez, au moins. C'est important. Je vous en voudrais pas si vous y arrivez pas, mais il faut vous entraîner pour plus tard. Vous avez pleuré pour Attends. Fouettez-vous du jardin? Alors oui, j'ai commencé un jardin cette année, mais alors ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de jardin là où je l'ai fait que l'herbe, elle pousse autant que mes légumes. Mais oui, ça pousse. Comme on a eu un beau temps et on a un peu de pluie, c'est vrai que ça pousse plutôt bien. Troisième question. Vous, enfant, vous, il, à l'école. Alors, alors mon fils est grand, il a 22 ans, donc en fait il fait une formation avec sa petite fiancée, une formation d'herboriste qui se passe aux alentours de Valence, donc ils font ça par correspondance et à côté ils travaillent tous les deux. C'est intéressant ça, herboriste. Hein. Oui, c'est intéressant. Mon fils a toujours été sur l'extérieur, les jardins, ça lui plaît. Et là, ils ont découvert. Donc, ils nous ont fait des sticks pour les lèvres cet hiver, baumes, un peu genre baume du tigre. Donc, c'est vraiment. Donc là, ils vont partir une semaine. Ils ont appris à faire des savons, ce genre de choses. Donc, c'est très intéressant. Et pour payer cette formation, parce qu'elle a un coût, ils travaillent tous les deux. Comment voyagez-vous? Voyagez-vous? Alors, Nathan, tu répètes? Que je ne connaissais pas. Voyagez-vous? Alors, ça m'est arrivé de voyager, on ne voyage pas tout le temps non plus, j'aime beaucoup voyager, aller découvrir un petit peu ce qui se passe autour de nous, déjà en France, parce qu'il y a plein de choses à voir, mais aussi à l'étranger. Alors, quand j'ai la possibilité, oui, j'ai hâte d'être en retraite pour aller faire plein de voyages. Je vais aller dans le meilleur pays, dans la grande ville, la meilleure ville de meilleur pays. Alors là où l'année dernière on est parti en Espagne et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé l'Espagne et l'accueil que les gens nous ont fait quand on est arrivé là-bas. Est-ce que tu avais des chiens avec des oreilles noires, blancs et avec une queue Je suis en train de me dire qu'on n'a pas vu beaucoup de chiens, mais comme il faisait très très chaud, à mon avis, ils devaient rester à l'ombre dans les maisons. Ouais, les chiens là, c'est les chiens. Pas des chiens polaires. Les chiens polaires, tu parles? Des chiens, oui, des chiens, j'ai déjà vu. Ah oui, mais elle n'a pas été là-bas. Anthony, il en a. Alors, t'as vu des chiens où, toi? Non, on ne l'a pas vu, il est en France, ils l'ont trouvé en Espagne. D'accord, il est revenu en France. Oui. Alors oui, j'ai vu des chiens, mais c'est peut-être pas Paris, le même que toi. Il l'ont revenu, il était à Paris, il l'ont acheté chez... D'accord. Et il est sympa, le chien? Ouais, il est revenu sympa. Alors Nathan, tu disais à Christelle, voyagez-vous. Mais où est-ce que tu aurais aimé qu'elle aille? En Amérique. Ouais, t'es sûre? T'aimes beaucoup l'Amérique? Bah oui. Pourquoi tu aimes l'Amérique? Dis-le à Christelle. Parce qu'à l'Amérique, t'as la Statue de la Liberté. Ouais. J'aime bien. T'as pas ta marraine là-bas? Non. T'as pas de la famille en Amérique? Non. Oh bah, alors tu m'as leurré toute l'année, Nathan. Ma tata, c'est aux États-Unis. J'allais dire. Oui, elle habite là-bas. Oui? Oui, voilà. Et les États-Unis, ça fait partie de l'Amérique. Hmm? Oui. Alors, j'aimerais bien aller en Amérique, mais là, c'est pas le même coût. Hein, et puis, il faut partir un certain temps. Mais oui, ça doit être très joli et très intéressant de voir comment vivent les Américains. Alors, dernière question. Avez-vous déjà allé à l'apéro? Alors, essaye de relire ta question, Nathan. Ah oui, à l'apéro. Bah, ça suffit pas, à l'apéro. Lila, depuis le début. Non, Juliana, essaye de relire ta question correctement. Ok. Invité. Des gens à l'apéro. Ouais. Alors là, c'était pas ton mot. C'est bon, Nathan, il a voulu t'aider. Oui, il a voulu. Alors, j'aime bien recevoir des amis, j'aime bien recevoir du monde. Donc, en général, je les reçois à l'apéro et souvent, je les garde quand même pour manger après. Mmh. Est-ce que tu voulais que je t'invite pour l'apéro, peut-être? Moi, oui. Pour un coup, hein. À qui après? T'as d'autres questions, Nathan? Non, c'est marqué radio. Eh ben, merci, Nathan, pour tes questions. Si bonne, t'as une question? Les questions que t'as sur ton cahier. Ah, tu t'en rappelles plus? Si. Ah, bah vas-y. Est-ce que je faisais le ménage? Alors oui, je fais le ménage. Attends, Steven, attends la réponse. Voilà, je fais le ménage, voilà, mais j'ai un conjoint qui aime bien faire le ménage, donc quand je peux laisser faire le ménage, c'est quand même pas mal. Et c'est rare, ça. Et après, hein? J'ai... Regardez-vous le foot? Il y a déjà Juliana qui a demandé. Hein. Oui, donc oui, je regarde le foot. Et surtout là, quand c'est la Coupe du Monde, j'aime bien regarder le foot. Donc je vais regarder ce soir pour savoir contre qui on va tomber en finale. Moi aussi. Et voilà. Attends. Ah bon? Avez-vous aimé votre ancien... Avez-vous aimé votre ancien métier? Alors, quel ancien métier? À l'IME. Quand j'étais à l'IME, donc comme je disais, c'était le même métier, oui. J'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler à l'IME. Ça a été en plus mon premier poste en chef de service, donc c'était tout nouveau pour moi. Donc j'ai rencontré les enfants et j'ai rencontré plein de gens intéressants et voilà, qui font plein de choses pour que vous progressiez. Donc oui, c'était quelque chose d'intéressant. On était gentils avec toi, les gens de l'IME. Oui, vous étiez gentils avec moi. Je ne suis pas trop à me plaindre. Et Lucie Et moi, j'étais gentille avec vous? Oui. Et Lucie Pro? Et la CIFPRO, oui. Beaucoup, hein. Bon, alors ça va. Vous gardez pas un mauvais souvenir de moi. Où habitez-vous? Alors moi, j'habite au Val d'Ajol. Est-ce que vous connaissez le Val d'Ajol? Oui. Dans le pays? Il y a des potes qui habitent là-bas. Ah, des potes qui habitent là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez situer le Val d'Ajol? À côté d'Ormermont. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que par le PT, c'est... Ma sœur, elle habite à côté du Val d'Ajol. C'est ça. La rue fiscale. Pas trop loin de Plombières non plus. Oui. C'est un autre pays. Est-ce que vous... Non, non, c'est toujours dans les Vosges, c'est à la frontière de la Haute-Saône. Et vous connaissez la spécialité du Val d'Ajol? Non. Vous voulez Attends, vraiment savoir c'est quoi je sens, je sais c'est quoi. Alors, ah, tu sens. Bah, ça a coûté. C'est tout au fond, c'est tout là-bas. Oui, c'est tout au fond. À côté de la piscine, c'est là-bas. Oui, tu peux monter par le Petit, oui, c'est vrai. C'est au-dessus. C'est ça. Tu passes la montagne ah, et après, oui, tu arrives au Val d'Ajol. C'est comme offrir les Javas au scout, on a déjà gel. Au Val d'Ajol. Alors, je vous ai demandé si vous saviez ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est une spécialité déjà? Non. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les touristes? Alors, une spécialité, c'est souvent quelque chose, un aliment ou quelque chose qui se fait et qui est typique du village. C'est quoi? Une raclette. Non, c'est pas la raclette, c'est quelque chose qui se Burger. Non. Pizza. Pizzerier. Les hamburgers au Val d'Ajol. Il y en a, mais c'est pas la spécialité du Val d'Ajol. Je sais. Un cassé au Val d'Ajol. Du poisson? Non. Des haricots verts. Alors, c'est une grosse saucisse fumée, mais elle a un nom particulier. Une saucisson. Un nom rigolo. Qui va vous faire rire à mon non, avis. La vache. Avec non. Du gras autour. Chez le boucher? Non, il n'y a pas de gras, mais elle est toute fumée. C'est chez le boucher? Oui, on l'achète chez le boucher. Donc, c'est une spécialité non. vraiment de là-bas. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment elle s'appelle? Oui. Non, ça pas, s'appelle là. L'andouille. Une andouille? C'est l'andouille. Non, l'andouille. C'est l'andouille du Val d'Ajol. Ah oui, ouais, j'aime bien les andouilles. Ah oui, je connais. Une grosse saucisse. Ah voilà. Oui, j'ai entendu ce mot-là. L'andouille du Val d'Ajol. Et ça se passe dans l'andouille. Voilà, quand on dit espèce d'andouille, ça a un autre sens. Ah, tu m'as donné faim. Voilà, je vous ai donné faim. Attends, non, Juliana, parce que là, on t'entend pas, t'as le papier devant le micro. À quelle heure commence votre travail? Alors, ça dépend des endroits où je vais. Parce que sur la semaine, je vais à 4 endroits différents. Donc, écoutez bien. Le lundi, je vais sur Épinal. Donc, normalement, ça se passe comme ça. Le lundi, je vais sur Épinal. Donc, je pars de chez moi à 8 heures. D'accord? Le mardi et le jeudi, je vais ou à Châtenois, donc près de Neufchâteau, à l'autre bout des Vosges, ou je vais à Saint-Dié. Donc là, je pars à 7h30 le matin. Et le vendredi, je suis sur Saint-Amé. Donc, Saint-Amé, je ne suis pas trop loin. Je suis au syndicat, au CESA du syndicat, donc je ne suis pas trop loin. Donc voilà, ça dépend de l'endroit où je vais. Donc ça fait des grosses journées. Ça fait des grosses journées. Ça fait beaucoup de routes. Tu dois être fatiguée le matin. Hein. Le matin, ça va encore. C'est le soir quand je rentre que je suis fatiguée. Ce matin, ah oui, surtout. Oh ben ce matin, ça allait. Je venais juste exprès pour vous ce matin. Donc voilà, j'ai eu le temps de faire une bonne nuit. Pas annulé ton rendez-vous. Non, je travaillais pas aujourd'hui. Ah. C'est bien. Voilà. Hein. Alors est-ce qu'on peut refaire une autre pause hein? Il va être 10h30. Avec la chanson que Juliana a choisie, tu peux l'annoncer, Juliana? Voilà, c'était la chanson de Juliana, hein, Sauveur. Elle est bien, hein. Est-ce que tu as aimé cette chanson? Ça veut dire quoi, ça? Non. Ça veut dire où? Pourquoi non? Elle est âgée, cette musique. Elle est âgée, la musique. Bah, elle est bien, la musique, là. Mais c'est une danseur de concert. Pour mettre en retraite. Oh non. C'est trop bien, cette musique, c'est ce que tu dis. Mais elle est un peu âgée, cette musique, je crois. Oh. Mais on a le droit d'avoir chacun. C'est celle-là. Il faudrait qu'ils prennent ta clé USB. Alors, on continue? Alors, question. Madame Labrousse, quels sont vos loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire? Alors, c'est vrai qu'avec mon nouveau poste, j'ai un petit peu moins de temps pour les loisirs, mais j'essaye quand même d'en garder. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup monter à cheval. Donc, je jardine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, le foot, c'est pas vraiment un loisir. J'aime bien le regarder, mais voilà. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller me promener en forêt, cueillir les petits fruits, ces genres de choses. Et puis, je fais des confitures, je fais des sirops, voilà. J'ai toujours moyen de m'occuper, quoi. Et j'espère bien pendant mes vacances pouvoir retourner courir. Mais ça va être dur à mon avis. Ah, vous courez? Oui, j'ai couru pendant longtemps. Et puis voilà, mes soucis personnels ont dit que j'ai un petit peu mis de côté, oui. Bien. Mais c'est quelque chose qui me fait du bien. Voilà, après une journée un peu difficile, ça permet un petit peu d'évacuer tout le stress. Donc oui, ça fait du bien. Alors on dit toujours, les gens qui courent, après quoi ils courent? Eh bien, on ne court pas vraiment après quelque chose, mais voilà, on évacue un peu le stress de la journée, on rentre un peu plus détendu, donc c'est vrai que ça fait du bien au moral, en tout cas. Ouais. Il y en a parmi vous qui vont courir de temps en temps? Non. Nathan, tu es avec nous? Nathan, avec mon vélo. Nathan, tu es avec nous? Pose tes cartes, là. Avec mon vélo. Tu cours avec ton vélo, ouais. Toi? Non, bah c'est courir, pas, courir, c'était pas la question, Juliana. Courir, ça a pied. Voilà, c'est avec non, ses pieds. Non, je cours pas. Tu cours pas. Nathan, est-ce que ça t'arrive d'aller courir? Des fois. Tu vas courir où? Je sais pas. Des fois, j'ai jamais couru de loin des endroits. Je cours chez moi. Autour de la maison? Non. Ah bon? Où alors? Non, parce qu'en fait... Si je le faisais là, je courais partout me sauver de la maison, mais avant je faisais te sauver de la maison. Mais c'est une façon de courir. Ça va, moi, elle me dit que tu le fais plus. Ah bah c'est sûr que si tu te sauvais, à mon avis, t'as plus le droit de le faire. Non, c'est pas ça. En fait, j'étais petit. Ah, t'étais petit. Ah bah oui, t'as grandi là. Hein? Vous aviez fait le trail à l'IME. Vous aviez couru dans la forêt? Non. À l'IME, au collège, les deux. Ah oui? Oui, oui. Ah, je refais plus si tu collèges. Aussi, tu le referas à la rentrée. Ah non. Mais si, ma belle, tu le feras. Il était dur? Pas ce jour-là. Il était dur? Ah bah oui. Ah, pas la rentrée. Très dur. Est-ce que t'as été jusqu'au bout? Est-ce que t'as... Alors, tu vois, finalement, c'est très bien. Tu as réussi, malgré que ce soit dur, à aller jusqu'au bout. Deuxième mois. Et vous l'avez tous fait jusqu'au bout. Même Timothée. Hein? Même toi? Oui. C'est bien. Alors, t'as une question, je ferai plus de temps. Vas-y. Moi, je fais du sport avec ma trottinette. Ah. Toi, tu cours pas, c'est trottinette. Non. C'est ça? Oui. Et t'as de la place autour de chez toi? Oui. Tu vas où faire la trottinette? Oui, je vois à une la vidéo. Place. Sur la, il y a une place où tu peux faire la trottinette? Un Rochesson, oui, dans une place. Une place où il y a des toboggans, des trucs dans le genre comme ça. D'accord. Il n'y a pas de piste cyclable à Rochesson? Tu sais, un endroit où on peut aller marcher, il n'y en a pas à Rochesson. Parce que là, c'est bien pour faire de la trottinette. Donc, tu fais que de la trottinette? Oui. C'est déjà pas mal. Et toi, Christopher, tu cours? Non. C'est l'adolescent. Il peut pas trop Christopher, de il court devant son poste de télé. Non, moi, j'ai fait du vélo, Corinne. C'est bien. Bon, ben voilà, on connaît les loisirs à Christelle. Alors après, Christelle, pourriez-vous nous raconter votre parcours? Comment en êtes-vous arrivée à être chef de service? Alors, donc moi au départ, je voulais pas du tout être chef de service, je voulais être prof de philo. Parce que quand j'étais à l'école, j'aimais bien la philosophie, c'est une matière qu'on apprend à l'école. Et puis, je me suis retrouvée à donner des cours à des personnes qui étaient en difficulté et j'ai eu la possibilité de faire certains stages, sachant que moi, depuis très longtemps, j'avais envie de travailler avec la population autiste parce que j'avais pu en rencontrer dans ma vie. Et c'est des enfants avec qui j'avais vraiment, vraiment envie de travailler. Donc, j'ai passé le diplôme d'abord de moniteur éducateur parce que la formation était un petit peu plus courte et que j'avais un enfant qui était quand même jeune à l'époque. Donc voilà, j'ai passé le concours de moniteur éducateur. Donc, j'ai travaillé ensuite à l'IME de Saint-Dié, donc toujours pour la DAPI, pendant 3 années. Et puis, quand mon contrat s'est fini, je me suis dit, il est temps de faire éducatrice, quoi. Donc, j'ai fait éducatrice spécialisée. Alors j'ai travaillé un petit peu partout, j'ai travaillé en IME, donc voilà, comme vous, hein, dans différents IME. J'ai travaillé en MEX, donc c'est des enfants qui sont placés dans des établissements parce que les parents ont des difficultés pour s'en occuper et ont besoin d'un petit coup de main. J'ai travaillé en milieu ouvert aussi, donc pour aider les parents à s'occuper des enfants quand c'est difficile pour eux. J'ai travaillé en hébergement maternel, donc c'est des mamans qui arrivent avec leurs petits-enfants de moins de 3 ans, et puis on les aide à trouver du travail, à trouver un appartement, un petit peu les aider à rentrer dans la société et dans la vie. Je dois certainement en oublier parce que j'en ai fait d'autres, mais voilà, j'ai travaillé à pas mal d'endroits. Et puis mon dernier poste était à la Masse du Toulis, donc avec les adultes qui viennent faire une émission le vendredi d'ailleurs, ici aussi. Et puis j'ai eu l'opportunité de venir chef de service. Voilà, je pense que j'avais fait pas mal de choses en tant qu'éducatrice, et puis j'avais un petit peu envie de voir autre chose, donc j'ai postulé sur le poste de l'IME, et c'est comme ça que je suis arrivée en 2014. Voilà. Alors Christelle a été très vite là. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle vient de dire ? En plus Christelle parle très vite. Attends. Christelle, pourquoi t'as quitté l'IME pendant un an ? Alors, j'ai plus d'un an, pas encore, mais en fait, il y a eu des changements au niveau de la DAPI. Le poste que j'avais à l'IME... Pourquoi t'as arrêté d'aller... Pourquoi t'as quitté l'IME ? Alors attends, je suis en train de t'expliquer. Oui. Alors il faut juste que tu m'écoutes. Donc ils ont fait des changements sur les postes. Le temps de travail, je vais essayer de vous expliquer simplement, sur l'IME est plus petit que quand moi j'y étais. Donc ça ne m'intéressait pas de travailler un petit peu moins. J'avais encore envie de travailler ce qu'on appelle à temps complet, le nombre d'heures que j'ai le droit de faire. Et puis je trouvais que la mission du chef de service et de s'occuper des services de soins à domicile, c'était aussi très très intéressant et j'avais envie d'aller voir autre chose. Donc je ne suis pas partie parce que j'avais envie de vous quitter, parce que j'étais très bien à l'IME, mais je suis partie parce que ce qu'on me proposait, c'était aussi intéressant que j'avais envie de découvrir ça. Travailler. Comment ? T'as retravaillé ici à l'IME ? Non, maintenant, il y a DJ. Puis DJ, il est très bien. Vous avez DJ avec vous et voilà. Il est ravi d'être là. Donc, mais attends, je n'ai pas éducatrice. Monsieur Ballant. Chef du service. Mais pas éducatrice. Non, je pense que je ne ferai plus éducatrice. Pourquoi ? Et tu voudras bien faire directrice ? Alors, pour le moment, voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre et j'ai encore plein d'envies à faire sur le terrain en tant que chef de service. Donc, directrice, on verra un peu plus tard. Peut-être directrice générale aussi. On verra ça plus tard. À long terme. Je vais me laisser un peu de temps pour tout ça. Avec la directrice de l'IME. Ah bah, il n'y aura pas de directrice. Il n'y en aura qu'une. On prendra toi. C'est bon, un beau parcours en tout cas, Christelle, c'est intéressant. Mais j'ai toujours eu besoin de bouger, d'aller voir, de découvrir de nouvelles choses, et je ne le regrette pas, oui, parce que c'était vraiment, vraiment très riche. Mm-hmm. Après, il y a des... T'as marqué quoi, là ? Des missions qui devaient être difficiles à travailler maternelle, là, les petits, et tout ça, avec les mamans. Alors, l'hébergement maternel, c'était pas là le plus difficile. Ce qui a été plus difficile, c'était le milieu ouvert où arriver dans des familles qui ont des difficultés et qui nous voient arriver et porter un petit peu, je vais pas dire des jugements, mais c'est un petit peu comme ça qu'ils nous voient arriver, en se disant c'est eux qui vont nous apprendre, alors que non, c'est juste un accompagnement. Et puis, souvent, hein, on a eu des parents qui aimaient vraiment, vraiment leurs enfants, mais qui savaient pas trop comment faire. Donc, on a des gens qui pouvaient être très froids au début, et quand le climat de confiance s'instaurait, on faisait vraiment du super travail, quoi. L'hébergement maternel, ce qui était dur aussi, c'était la MEX, hein, les petits bouts de choux sont placés qu'on couche le soir, mais en même temps, c'est des enfants tellement riches, les moindres choses qu'on peut leur proposer, une petite sortie le soir en forêt, on a l'impression qu'on leur emmène le plus beau cadeau de Noël. Et voilà. Qui les enfants tellement c'est des belles leçons de vie. J'ai rencontré des enfants et des adultes qui m'ont donné des belles leçons de vie, et après, on relativise. C'est-à-dire qu'on prend du recul et on se dit, finalement... On peut avoir des enfants très riches. Comment ? On peut avoir des enfants à avoir plus d'argent. Ah bien, alors ça, oui. J'ai pas compris, mon Nathan. Les enfants très riches, tu peux aller à l'IME. Bien sûr, c'est pas une question de richesse, l'IME. Ah oui, mais si les enfants sont très riches de tout l'argent, l'enfant, il est une grande éducatrice et tout. Ah, domicile, et ça veut dire que l'enfant a tout l'argent et il fait faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire que l'IME, c'est plus à vous. Ça veut dire que c'est à l'enfant. Ah, il rachèterait l'IME. Ça veut dire qu'il a acheté l'IME sa priorité. D'accord. Ça veut dire que c'est à eux qui donnent des sous à l'enfant. Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est vraiment lui le patron. T'aimerais bien être patron de l'IME ? Moi, je rêve tout le temps ça, moi. Tu rêves tout le temps ça. Tu rêves d'être riche ? Alors, Christelle, quelles sont vos fonctions ? chef de service, c'est quoi? Je l'ai quand même pas mal expliqué. Oui. Donc voilà, moi j'accompagne les équipes et je veille avec les équipes à ce que vos projets, ce qu'on fait une fois par an avec vous, on le respecte. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller au maximum au bout des objectifs qu'on vous a fixés. Hein, je vais parler par rapport à vous parce que c'est vraiment, moi voilà, si je suis devenue chef de service, c'est pour pouvoir essayer d'accompagner au mieux les enfants et de les emmener le plus loin possible. Et puis c'est aussi de réajuster. Parfois on vous fixe des objectifs et on se rend compte que c'est trop difficile pour vous ou qu'il faut le faire d'une autre manière. Donc ça, c'est des choses qu'on va échanger avec les équipes. D'accord ? Donc par exemple, moi, mon supérieur, c'est qui ? Didier Ballin. Oui, avant c'était Christelle. Et par exemple, le supérieur à Christelle, ben oui, au fait. Alors, comme vous allez sur plusieurs endroits. Alors, moi, j'ai deux directrices. En fait, j'ai une directrice pour les CESAD, donc pour le service des enfants. C'est Madame Sartenbrooks, que vous connaissez. Dans notre IME. Voilà, dans votre IME. Et sur les SAVS, j'ai une directrice. Alors, c'est Madame Fritsch, normalement, qui est en congé maternité et qui est remplacée par Madame Bisfenden, qui est là sur son temps de remplacement. Donc, je travaille avec deux directrices différentes. Une pour le secteur de l'enfance et une pour le secteur adulte. Donc j'ai découvert les SAVS, que je ne connaissais pas du tout, et c'est aussi quelque chose de très riche, les SAVS. Mmh. J'ai une équipe d'éducateurs vraiment formidable, alors les CESAD aussi, mais je ne les connaissais pas, ces personnes-là, donc c'est vraiment, vraiment riche. Et alors, à votre avis, qui c'est qui commande Madame Sartenbrooks, Madame Fritsch, qui c'est qui commande C'est leur directeur. Le président... C'est qui mais qui c'est qui est Ballin ah, non, il est en dessous, le président de l'IME. Président de l'IME. Emmanuel Macron. Madame Gigant. Ah non, Madame Gigant, elle est partie, madame. Le président des États-Unis. Le président. Personne ne sait. Non. C'est pas Madame Leonardi, la directrice générale? Ah si! Voilà. C'est important Macron, de savoir. Il est au-dessus de tout le monde. Mais elle n'est plus là, madame. Il est président de la République. Mais vous saviez que Christopher avait écrit au président? Ah non. Et qu'il a eu une réponse. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu lui as écrit ? Si c'est pas indiscret, si tu veux pas me le dire, tu peux ne pas me le dire. J'avais dit qu'il pouvait venir à la radio. Ouais. Il pouvait pas parce que son agenda est trop rempli. Ah oui, il a beaucoup de travail, je pense, le président. Il envoie une lettre un jour. Mais il t'a répondu, c'est déjà bien. Hein? Il envoie une lettre. Ah. Mais c'est bien, oui, t'as eu une réponse. Pourquoi le président a une amende ? Il a plus de voiture, là ? Hein ? Le président de la République. Bah, si, il a un chauffeur, ce qu'on disait tout à l'heure, il a un chauffeur. Il a une limousine. Je ne sais pas en quoi il roule. C'est ça qui roule. En scooter. Peut-être. Non, en limousine, c'est mieux. Non. Que allez, on continue, on s'écoute, s'il vous plaît. Alors, Christelle, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Vous avez un peu répondu aussi. Oui, et puis, alors voilà, moi j'aime beaucoup pouvoir mettre des choses en place pour vous, les enfants, mais moi j'aime bien le relationnel, donc j'aime bien le contact avec les gens, voilà, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Moi j'ai besoin d'avoir du contact autour de moi, je pourrais pas être dans un bureau et puis rester toute seule, donc... et là, je rencontre plein de monde du fait d'être à plein d'endroits différents, donc j'ai vraiment, vraiment des équipes riches et qui ont vraiment envie de faire plein de choses avec les enfants et les adultes, donc... C'est super intéressant. Hier à midi, par exemple, j'ai mangé avec les bénéficiaires, donc les adultes qu'on accueille sur le SAVS, et ils me racontent leur vie, ils me parlent d'eux, donc c'est des échanges vraiment positifs, quoi. Et qu'est-ce que vous aimez pas ? Alors, si je pouvais faire moins de route, c'est sûr que ce serait pas mal, mais non, il n'y a rien, je crois. Je crois que... Il n'y a que la route, quoi. Oui, voilà, c'est un peu la route, parce que, bon, et encore maintenant que je travaille sur 4 jours, c'est mieux, parce que j'ai quand même 1h30 de route aller et le même au retour. Donc voilà, si je pouvais éviter la route, mais en même temps, je sais que je vais sur des équipes et ce que je vais faire, ça m'intéresse, donc je ne vais vraiment pas au travail à reculons, là. Loin de là, quoi. Ah oui, il est 46. Alors, on va quand même passer une autre chanson, celle avant de terminer sur les deux dernières. C'était Le Mondial. Ouais. On est venu danser, oublier que tout va mal. You're gonna feel the magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour. Everyone's going crazy. Ce soir c'est le mondial. Sens-tu, sens-tu qu'on y est? Sens-tu la folie du monde à nos pieds? Dansons l'humanité, dansons sans y penser. Dansons l'égalité, la fête peut commencer. Vois-tu les visages se colorier? Vois-tu les rues du monde s'illuminer? Voilà, voilà, on s'était un peu égaré, hein, Juliana. Bon, eh ben, nous sommes toujours avec Christelle et en direct. Hein. Il nous reste peu de temps, 10 minutes pour terminer l'émission. Ça passe trop vite. Hein. Ah ouais. Hein. Bon, alors, j'avais encore deux petites questions à poser à Christelle. Et puis après, on fera quand même un petit tour de table hein, pour que vous puissiez dire en direct ce que vous avez pensé de votre année à la radio. Si ça vous a plu ou pas, si vous aimeriez continuer ou pas. Donc, on dira à bon entendeur. Qui hein? Ben, si Monsieur Ballon écoute, Madame Swartonbrooks, ils sauront si ça vous a plu ou pas. Monsieur Ballon, si vous avez envie de continuer ou pas. D'accord? Ouais. Monsieur Ballon. Alors, Christelle, avez-vous assez de temps pour tout faire alors, dans votre travail? Alors, dans mon travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les trajets, voilà, j'ai quand même moins de temps. Mais avec la nouvelle répartition de mes horaires, je suis beaucoup plus disponible et je pense que, voilà, c'est sûr que j'aurais plus de temps, ce serait encore mieux. Hein, mais c'est vrai que je perds quand même, alors en temps de travail proprement dit, je perds quand même 4 heures par semaine de travail. Quoi. Mmh. Donc voilà. Ouais. Là, je perds un peu de temps et il y a énormément de choses à faire. Après, moi, j'aime bien quand ça va à 200 à l'heure, donc c'est une bonne chose aussi. Mais j'aurai encore plus de temps, je pense que j'aurai encore d'autres choses à faire et à faire en plus. Mmh. Mais j'ai quand même, voilà, une directrice derrière moi qui est à l'écoute quand justement je lui dis, ben là, c'est un peu juste, j'ai pas beaucoup de temps, etc. Donc je sens que je suis pas toute seule et si j'ai besoin d'aide, en tout cas, il y a du monde derrière moi. Donc c'est aussi très rassurant, ça. Mmh. C'est aussi très rassurant. Donc, vous êtes bien dans vos fonctions actuelles, épanouie, heureux, souriant. Voilà, très hein? bien dans... Vous ne trouvez pas qu'elle est souriante, dans Christelle? Dans mes fonctions. Oui. Non, vous y êtes aussi, oui, vous, la Starcy. Alors là, on arrive à une heure, Christelle, où ça commence ça à être à la relâche. Hein? Ah, ça commence allez, courage, à être courage. Difficile de se contenir. Allez, il faut dire qu'on a... On est au final. Oui, mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure, hein, Juliana. Ah, on va peut-être pas répéter ça 50 fois. La finale. La finale. Bon, on s'arrête, s'il vous plaît, on s'écoute. Donc là, on va devoir clôturer l'émission. Donc, qu'est-ce que je viens de dire juste avant? On va faire un tour de table. On va faire un tour de table. Voilà. Chacun va pouvoir s'exprimer. Et puis après, on donnera le mot de la fin à Madame Labrousse. Moi. Oh. Hey, on s'écoute par Marie, contre, hein, s'il j'ai vous plaît. Une question. Oui. Personne ne nous a appelé là. Ben non. Non. Donc personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé le titre. Ou alors les gens sont déjà partis en vacances, tu sais, c'est peut-être ça. Soit hein, à la mer, peut-être. Partir à la mer, se baigner. Ouais. Dans allez, le lac, parce qu'on n'aura pas le temps. Nathan, on s'écoute. Christopher. J'ai bien aimé la radio, la musique, tout ça. Attends. J'espère qu'on sera, Monsieur Ballon. S'il vous plaît, continuez à faire l'émission de radio. Laissez-nous faire. Mais il faut peut-être aussi le dire à Marc. Hein. Continuez la radio, continuez. Hein. Continuez la radio, Marc. Continuez toute l'année. En retraite. Ben oui, j'espère bien. Oui, oui. Bah, vous avez plein de choses à dire. Ça, c'est bien. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je laisse la parole à Timothée. Marc. Timothée, à toi. Mmh. Faire un peu le bilan de ton année à la radio. J'ai tout aimé à la radio. Chacun son tour. De ma radio, je trouve que c'est cool d'être ici. Donc, moi, j'aime bien. T'aimes bien. Et j'aime bien aussi. Que j'aille à la technique. La technique, elle est convoitée, la technique. Hein? Hein? Moi, je sais. Alors, est-ce que tu aimerais continuer, Timothée, la radio? Oui. Oui, ça te plaît. Ok, on a entendu. Ensuite, Juliana, on te laisse j'ai la parole. J'ai bien aimé tout, j'ai bien aimé oser la technique et d'être avec Marc. C'est gentil, Marc. Et je voudrais bien retourner. Bien, super. On va laisser la parole à Steven. Moi aussi, j'aimerais bien retourner. Steven, à toi. Steven, vas-y. J'ai tout aimé. Tu aimes, toi, la radio? Oui. Oui. Est-ce que tu aimerais continuer? Oui, aux techniques. Oui, ok. Nathan, dis ce que tu penses, Steven. On écoute. J'aime tout. T'aimes tout. Donc la technique, être ici aussi dans oui. le studio, tout. Oui. Ben, c'est super ça. Tiens, Camille. J'ai bien aimé. On t'entend pas, Camille. J'ai bien aimé. Tu as aimé, oui. Les chansons. Mes chansons. Technique et parler. Technique et parler, ok. Est-ce que tu aimerais continuer, Camille? Oui. Oh, bon. Ok, super. Nathan. J'ai mis un tour radio. J'ai mis un parler. Ah oui, ça, on j'ai a mis dit, un Nathan. Tour technique. Oui. Mais l'année prochaine, j'ai envie d'arrêter radio. Parce que je ne suis pas en retraite. Je ne suis pas en retraite. Corinne. Moi. Aïe, Corinne. Oui. En retraite. Ah non, bah non, pas encore non plus, tu vois. Pas encore. T'as quel âge, Corinne? Christelle, tu seras retraite quand? Joker. Ah bah j'ai encore quelques années en retraite, hein, puis apparemment, oui. Je ne sais pas t'as combien 40. D'années. Ouais, c'est ça, Nathan. C'est à peu près ça, ouais. 41, 42, 43, 44. Donc, eh ben, écoutez, je pense que Monsieur Balance, il écoutait, il a bien entendu que vous aimeriez continuer. Hein. Je me chargerai de lui dire, vous inquiétez pas. On espère de tout cœur que ça continuera. Hein. Oui. Et vous, vous avez aimé la radio d'être avec nous aujourd'hui? Eh ben voilà, on va laisser la parole à Christelle. Alors, bah merci de m'avoir invité. C'est vrai que ça a mis le temps, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait prévu. Donc, j'étais pas trop rassurée, hein, parce que moi, je suis pas une pro comme vous à la radio. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois. Mais j'ai passé un excellent moment, et je vous félicite, parce que je trouve que vous êtes des vrais petits professionnels de la radio. Donc voilà, j'ai passé un super moment avec vous, et puis j'en reviendrai si vous m'invitez une autre fois. J'hésiterai, moi, à revenir. Merci. Je trouve que vous vous écoutez bien, je trouve que vous progressez bien, et que vous... parlez tous bien à la radio, donc je vous félicite vraiment, vraiment. Et puis, je vais en profiter aussi pour vous souhaiter de bonnes vacances, parce que je ne vous reverrai peut-être il y a pas d'ici là. Pour Christelle. Donc, reposez-vous bien. Nathan, écoute. Reposez-vous bien, et je vous promets de voir Monsieur Ballant pour lui dire que vous faites du super boulot à la radio et qu'il faut continuer. Mmh. D'accord. Merci. J'ai une question. Je te ferai un super cadeau. Tu sais, c'est quoi? Ah, dis-moi. La technique. Ah, t'en viendra. On mettrait Christelle en technique. Je suis pas sûre que je serai aussi efficace que vous. Hein. Bah, toi, Marc, il va t'aider. Ah, Marc, il va m'aider. Alors, si Marc m'aide, peut-être. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Bonnes vacances. Voilà, c'est déjà souhaité. Bonnes vacances. Et bonne finale de foot. On remercie Christelle d'être venue avec nous aujourd'hui. On va remercier Marc qui est avec nous toute l'année. Merci Marc. Marion qui est absente. Merci Marion. Merci Marion. Plaisir. Ah, voilà. Et Arnaud qui était là aujourd'hui. Merci Arnaud. Timothée, merci Arnaud. Arnaud. Arnaud. Arnaud Lenou. Merci à vous. Oui, tu voulais dire quelque chose? Arnaud comme le tout nous. Mais vite Timothée. Bonnes vacances à tous. Voilà, et ben Timothée. Bonnes vacances à tous les Français. Et bonne chance les Bleus. Bonsoir. Et bonne chance les Bleus. Bonnes vacances maîtresse. Bonnes vacances maîtresse. Bonnes vacances maîtresse. Allez les Bleus. Merci les Bleus, vous êtes les plus forts. Mbappé, ouais. On t'aime bien. Moi aussi Mbappé, je t'aime bien.